Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes en direct, il est 14h02, c'est Chris, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition de votre toute nouvelle émission proposée par Radio Gémozo, intitulée Fréquence Libre. Comme d'habitude, je rappelle le principe rapidement, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi à 14h en direct, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de son métier, et ou de ce qu'il ou elle propose. Et aujourd'hui, pour ce mercredi 3 février, je reçois Alexis Frechin, professeur de karaté et formateur à l'AFPA, qui propose des cours de karaté digitaux à cause, comme on le sait toutes et tous, de la crise sanitaire actuelle. Mais bien sûr, on ne parlera pas que de cela. Bonjour Alexis. Bonjour Chris. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va bien, merci. Donc tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, alors ben, Alexis Frechin, donc je suis, ben, vous l'avez dit, formateur à l'AFPA, je travaille à l'AFPA de Mulhouse, et je suis essentiellement spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi de longue durée, en vue de reconversion professionnelle, des projets de formation ou de retour à l'emploi. Et parallèlement, professeur de karaté, puisque je dispense des cours de karaté au club du TIO que j'ai créé il y a une quinzaine d'années. D'accord. Donc comme vous le dites, vous êtes professeur de karaté, et depuis... Oui. Quand vous pratiquez ce sport de combat ? Alors moi, j'ai démarré en 1990, donc ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. D'accord, et donc vous enseignez le karaté depuis une quinzaine d'années, c'est ça ? Oui, alors officiellement, oui, donc j'ai créé le club du TIO il y a une quinzaine d'années, donc en 2006. D'accord. J'enseignais un petit peu auparavant dans des clubs, mais essentiellement au TIO, dans le club que j'ai créé depuis 15 ans. Ouais. D'accord, donc il existe... plusieurs sortes de karaté, entre guillemets, comme le karaté sportif, le karaté martial, par exemple. Donc, quelle est ou quelles sont les différences entre le karaté sportif et le karaté martial, s'il y en a ? Oui, il y en a. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que vient chercher le pratiquant. Alors, effectivement, le karaté sportif, le karaté, au départ, n'est pas un sport, hein, c'est un art martial japonais. Même avant cela, historiquement, brièvement, c'est même pas un art martial japonais, c'était une méthode de défense d'Okinawa, qui à l'époque n'était pas japonais, avec des influences de disciplines qui étaient pratiquées en Chine et en Inde, hein, pour vraiment remonter très loin. Donc effectivement, ensuite, c'est devenu un art martial qui a été intégré aux différents arts martiaux japonais, donc ça, aux alentours du début du XXe siècle, donc le karaté a rejoint la famille des arts martiaux japonais comme le judo, qu'on connaît mieux, l'aïkido, le kendo et d'autres arts. Donc il est entré comme art martial. Il est entré notamment au tout début du XXe siècle dans les écoles primaires comme une activité physique. Dans les universités, c'était aussi une activité physique dans les universités japonaises, et puis était enseigné également dans les instances militaires. Le développement du karaté a fait qu'il est devenu naturellement un sport de combat. La compétition a été créée, les compétitions ont été créées, donc c'est devenu un sport de combat. C'est vers ça que se tourne aujourd'hui la majorité des pratiquants, c'est-à-dire vers l'aspect sportif, l'aspect compétition, où effectivement on combat, et donc il existe aussi plusieurs écoles avec plusieurs fédérations et plusieurs règlements en combat. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, votre école de karaté se situe au TIO. Oui. D'accord. Donc, en faisant mes recherches et en lisant des articles donc vous concernant et concernant votre école, j'ai vu deux mots plutôt étranges, entre guillemets, pour les non-pratiquants de karaté. Donc, si je les prononce mal, excusez-moi d'avance, le Kyokushinkai et le Kyokushin Karaté. Qu'est-ce que signifient ces deux termes ? D'accord, alors c'est le Kyokushinkai ou Kyokushin, c'est le même terme, hein, d'accord ? D'accord. Alors, c'est une école, c'est un style, on parle de style, c'est vrai qu'on parle communément de style de karaté. Il existe différents styles, c'est vrai qu'à l'origine, il y a eu différents courants dans la façon de pratiquer cette méthode d'autodéfense à l'époque à Okinawa. Il y a eu différents courants, donc différents instructeurs, différents maîtres qui ont développé leur discipline. Et donc il y a eu différents courants dans la façon d'apprendre, dans l'enseignement. Et donc ces différents courants ont petit à petit dans l'histoire donné lieu à différentes écoles, différents styles qui se sont chacun développés. Et effectivement, le Kyokushinkai, donc qui veut dire, si on devait le traduire, c'est l'école de l'ultime vérité. Ce qui signifie simplement qu'effectivement, c'est un style où on recherche la vérité, autrement dit la réalité. Ça se traduit dans l'aspect sportif, puisque effectivement il est pratiqué également en compétition, ça se traduit dans l'aspect sportif par des combats où on frappe réellement, c'est-à-dire avec une réelle recherche d'efficacité, et par conséquent, comme dans certains autres sports de combat comme la boxe, eh bien ça va jusqu'au chaos. Contrairement par exemple à d'autres écoles qui ont développé un système sportif sans frappe réelle, où on cherche à marquer des points. D'accord. Qui est l'école la plus courante dans le monde. D'accord. Oui. Donc, également en faisant mes recherches, j'ai vu, pareil dans plusieurs articles, que vous êtes 5e dan de karaté. Oui. D'accord. Et comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, vous enseignez donc cette discipline dans votre école. Oui. Est-ce que le fait d'enseigner le karaté a toujours été votre but, votre vocation ? Je crois que oui. En tout cas, bon, peut-être pas tout de suite quand j'ai démarré cette pratique. Je me suis tourné assez rapidement vers l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a un côté vocation chez moi. D'ailleurs, c'est mon métier. Je suis dans la formation professionnelle. J'encadre des adultes. Je forme des adultes. J'accompagne des adultes. Donc, oui, je pense que c'est une vocation. Je me suis assez rapidement tourné vers l'enseignement. J'ai fait un peu de compétition, mais l'aspect sportif, purement compétitif, ramener une coupe à la maison ne m'a jamais trop intéressé. Donc, je me suis assez rapidement dirigé vers l'enseignement. Donc c'est pour ça que j'ai passé des diplômes d'instructeur, d'éducateur sportif, passé des grades et puis ouvert un club parce que c'est ce qui me tenait à cœur. D'accord. Vous avez également pratiqué d'autres sports de combat comme le kung-fu, le judo ou encore la boxe. Oui, j'ai touché un petit peu à d'autres pratiques. Ouais, effectivement, c'est toujours complémentaire, c'est toujours bien d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, même si je pense qu'il faut. Il faut rester sur une pratique, sur un fil rouge qui pour moi reste le karaté, mais aller voir un petit peu effectivement d'autres pratiques, d'autres façons d'enseigner, d'autres techniques, d'autres méthodes, c'est bien aussi. Même s'il ne faut pas non plus essayer de toucher à tout, parce qu'après quand on essaye de tout faire, on est plus bon dans aucune discipline. Donc il faut garder une discipline maîtresse et puis aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, c'est important. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire que le sport en général et le sport de combat plus particulièrement a toujours fait partie de votre vie ? Ouais, le sport en général, oui. Rapidement, j'ai été mis sur un terrain de foot. J'ai joué au foot assez rapidement en club. J'étais plutôt bon à l'époque. Alors, j'ai joué au foot parce qu'effectivement, on n'avait pas toutes les offres sportives qu'il peut y avoir maintenant à travers les associations, et c'est tant mieux. Voilà. Et puis à l'âge de 16 ans, 17 ans, il y a un club qui s'est installé au Tio, et j'ai poussé la porte et en gros j'en suis jamais ressorti, quoi. J'ai adhéré tout de suite à la discipline. J'avais à travers quelques livres quand j'étais plus petit, des livres de kung-fu, des livres de karaté que j'arrivais à glaner comme ça à gauche à droite. Je commençais à m'imprégner un petit peu de la culture. J'étais intéressé. Et le jour où j'ai eu la chance de pratiquer, j'ai jamais arrêté et je suis toujours dedans. D'accord, donc dans ce club du Tio, comme vous dites, vous avez poussé la porte. Donc est-ce que vous étiez élève dans ce club avant de devenir professeur ? Alors, j'ai été élève dans ce club, mais c'est-à-dire qu'il a, à l'époque, quand j'ai commencé, ça n'a pas duré trop longtemps. Le club a fermé ensuite. Hein. D'accord. Pour des raisons que j'ignore, hein. J'étais trop jeune et j'étais simplement élève à l'époque. Et donc en fait ce club provenait d'un autre club qui existe toujours, le club de Saint-Amé. D'accord. Club de karaté de Saint-Amé avec lesquels je travaille encore, hein, c'est des copains. Donc j'ai continué à m'entraîner avec eux longtemps et puis à un moment donné, quand j'ai eu l'opportunité de créer un club, de passer mes diplômes, mes grades, je suis revenu sur le tuyau pour monter un club donc en 2006. Ouais. D'accord. Donc c'est pas le même club, hein. C'était le club réellement au Tio n'existe que depuis 2006. Il y a eu une expérience au début des années 90 pendant 2-3 ans qui provenait du club de Saint-Amé, mais ça s'est arrêté. D'accord. Donc quelque chose d'assez intéressant, je trouve, vous plaisez à dire que quand vous enseignez ce sport, vous n'avez pas en face de vous des licenciés ou des élèves, mais plutôt des copains, des amis. Est-ce important pour vous d'avoir cette relation avec les membres de votre club ? Et que pensez-vous que cela apporte d'avoir cette distinction dans les mots ? Alors, c'est vrai que c'est difficile d'en vivre, de vivre d'une discipline comme le karaté. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment il n'y a pas vraiment grand monde qui en vive réellement. Moi, j'ai un métier à côté, je gagne ma vie et je n'ai jamais voulu rechercher le côté professionnel, c'est-à-dire effectivement pour avoir en face de moi des gens qui paient pour une prestation, et donc en gros, entre guillemets, d'avoir des clients en face de moi. Et puis je voulais absolument rester dans la région, et donc peut-être pour développer une activité professionnelle, il aurait fallu aller dans une grande ville où j'aurais pu avoir effectivement un nombre important de licenciés, mais ça n'a jamais été ma recherche. Je préfère effectivement la pratique au sein d'une association. C'est que le système en France, ce système associatif qui permet aux gens de pratiquer beaucoup de disciplines à moindre coût, hein. On a quand même des gens qui sont formés, qui sont diplômés, même si c'est bénévole, et qui permettent d'offrir pas mal de disciplines, tout type de disciplines à nos jeunes. Je préfère ça. Donc je préfère effectivement avoir en face de moi des gens qui, au début, sont des licenciés, et puis deviennent, par la force des choses, deviennent des amis, des copains, et avec lesquels s'installe une vraie relation où on peut travailler. Oui. D'accord. Donc dans le dojo où se déroulent ces cours de karaté, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont enseignées ? Ah oui, bien sûr, dans le dojo Okiyo, il y a un club de judo, il y a un club d'aïkido qui utilise le dojo pour leur discipline, bien sûr. D'accord. Et d'autres également, hein, d'autres disciplines non martiales qui utilisent également le dojo. Je pense à des clubs comme l'expression corporelle, la danse, tout ça, qui travaillent dans le dojo, dans leur créneau. Donc effectivement, le dojo est partagé. Oui, d'accord. Donc c'est pas exclusivement karaté. Non, bien sûr que non. Non. D'accord. Vous proposez également depuis plus récemment des cours de self-défense. Oui. Était-ce de votre propre initiative ou est-ce que c'est grâce à plusieurs demandes de licenciés ? Il y a un peu des deux. Je dirais que majoritairement, je dois l'avouer, c'est plutôt de ma propre initiative. D'accord. Il y a eu de temps à autre des demandes. Voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui voulais le club à 15 ans. On a développé le côté pratique du karaté pour les plus jeunes, pour les adolescents, pour tout public, hein, de toute façon. Hein. On a développé une activité cardio, donc très sportive, purement sportive. Et je tenais, moi, parce que j'ai toujours eu cette envie de développer l'activité, on va dire, originelle du karaté. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que avant d'être un sport, avant même d'être un art martial, c'était une méthode, on va dire presque illégale, parce que la pratique était interdite. C'était une méthode illégale à Okinawa à l'époque d'autodéfense, hein, d'autodéfense et sans armes, parce que parallèlement s'est développée une méthode, le kobudo, une méthode avec armes. D'accord. Donc cette méthode d'autodéfense originelle, moi je tenais à revenir à ça, c'est-à-dire à former des gens à acquérir des gestes, des compétences en matière de défense personnelle, hein, ce qu'on appelle la self-défense, mais pas en faisant n'importe quoi, bien évidemment, puisque on est quand même la self-défense, la légitime défense, c'est encadré. Hein, il y a un cadre législatif, donc il faut quand même rester dans ce cadre. Ce qui veut dire qu'on sort complètement d'un contexte purement pratique physique, et encore plus, on sort complètement du contexte sportif, parce que là, il s'agit pas d'un sport. Qui veut dire, qui dit sport dit arbitre, préparation, tout ça, alors que lors d'une agression à la rue, on n'est pas préparé et il n'y a pas d'arbitre, hein, donc on n'est pas du tout dans le sport. On est bien sûr dans l'activité physique, parce qu'il y a un côté physique dans la self-défense, dans la pratique de la self-défense, mais il y a tout d'autres aspects qu'il faut aborder, notamment dans le cadre légal, la légitime défense. Il y a également l'aspect avant l'agression, tout ce qui peut être en termes de prévention, les comportements, les attitudes à adopter pour éviter peut-être de se retrouver dans une situation d'agression. Et puis il y a aussi l'après qui doit être abordé, puisque à partir du moment où on a été victime et qu'on a dû riposter, il faut quelque part assumer ce qu'on a fait. Et il y a l'après. Alors l'après, ça peut être effectivement le dépôt de plainte, ça peut être du secourisme. Ça peut être, voilà, c'est ce genre de choses. Et tout ça doit être abordé dans les cours de self-défense. Où, communément, ils accentuent leur pratique sur la partie juste purement combat, le moment du combat qui ne dure que quelques secondes. Mais l'avant et l'après n'est guère abordé. Je tenais aussi, moi, à l'aborder. C'est un tout. D'accord, très bien. Donc, je propose que nous nous lancions à 14h, presque 17, dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son que vous avez choisi. Et nous allons écouter le groupe Survivor avec leur célèbre tube Eye of the Tiger que vous avez sûrement. Eh ben, oui. Oui, ben on est dans le sport de combat, hein. C'est la boxe. Qui est donc tiré du film Rocky III avec Sylvester Stallone. Voilà, ouais. Donc comme vous le dites, nous sommes dans le contexte, donc ça tombe bien. Ouais. Et donc on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Ça marche. De retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours dans l'émission Fréquence Libre. Nous sommes toujours en direct, il est 14h21 et nous sommes toujours en compagnie de Alexis Frechin, professeur de karaté et formateur de l'AFPA. Ça va toujours ? Ça va, merci, oui. Donc avant de reprendre cette émission, j'avais envie de partager une petite anecdote concernant cette chanson. Comme je le disais, donc cette chanson Eye of the Tiger du groupe Survivor est donc tirée du film Rocky 3 est sorti en 1982 à la demande justement de Sylvester Stallone lui-même. Donc reprenons cette émission. Je suppose que, comme tous les sports de combat, il existe plusieurs catégories dans le karaté, plusieurs catégories de poids. Oui, bien sûr, oui. Alors après, ça dépend des écoles dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Mais effectivement, il existe des catégories d'âge déjà, hein, en fonction des âges des gens. Il y a des plus jeunes jusqu'aux seniors, aux vétérans même. Et puis à l'intérieur de chaque catégorie, des catégories de poids, bien évidemment. C'est un aspect. C'est sportif, donc effectivement, en termes de compétition, il convient quand même d'équilibrer pour que chacun parte à armes égales, même si ça existe dans notre école Kyokushin, des compétitions dites open, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie de poids. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que les compétiteurs qui choisissent d'y aller savent bien qu'ils peuvent se retrouver avec quelqu'un qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant. Des compétitions où un pratiquant de 80 kilos combat contre un pratiquant de 120 kilos. En temps normal, ils sont pas dans la même catégorie, mais dans des compétitions dites open, ils peuvent se retrouver ensemble. Donc, ça part du principe que en karaté, la taille, le poids n'est pas suffisant et que les plus petits, entre guillemets, doivent pouvoir s'en sortir, puisque c'est l'aspect technique qui va primer. D'accord, oui, car comme vous, dans votre école, vous donnez des cours aux enfants, aux ados, oui, et aux adultes. Bien sûr. Voilà, sauf que là, du coup, les adultes ne vont pas se battre, entre guillemets, contre des enfants. Ah non, non, bien évidemment. Non, oui, non, bien évidemment. Là, les catégories open ne concernent que les adultes, en principe. Il y en a très, très peu chez les enfants. Les adultes, et ce sont des catégories, donc, dans notre école, où, effectivement, les combats se déroulent sans protection et avec des mises hors, ce qu'on appelle la mise hors de combat autorisée, donc clairement le chaos. D'accord. Ah oui, d'accord. En faisant mes recherches également, j'ai lu le terme body karaté. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une discipline qu'on a créée au club ça devait être 2008, je crois, c'est 2 ans après la création du club. Alors là, il y a eu une forte demande. C'était pas une initiative de ma part comme pour la self-défense. Il y a eu une forte demande. Alors le body karaté, body ça veut dire corps en anglais, hein, et donc ça vient d'une discipline qui ont émergé dans les années fin 80, 90 aux États-Unis, d'accord. Donc c'était une discipline comme du fitness, vous voyez, d'une activité physique en musique. Et donc ces disciplines-là, en termes d'activité physique, c'était simplement d'utiliser les mouvements des sports de combat, donc les techniques de coups de poing, de coups de pied, quelques exercices de préparation physique, et d'enchaîner tous ces mouvements sur des musiques rythmées qui permettent d'entretenir un petit peu la motivation des pratiquants. La musique rythmée fait partie de la discipline. Donc on utilise effectivement les mouvements pieds-poings ou des exercices de préparation physique qui sont issus des sports de combat, et on enchaîne tout ça pendant 1 heure. Donc c'est une discipline qui est très cardio. C'est le but. Le but, c'est de se défouler, de brûler des calories. C'est très cardio, ça dure 1 heure. Et donc, alors ça peut avoir plusieurs appellations, hein, body karaté au sein de la Fédération française. Nous, on l'a appelé body combat, donc combat par rapport au terme combat, avec un K, le K de combat qui représente le K de karaté, de kyokushin, de kickboxing, puisqu'on utilise les techniques de ces disciplines-là. D'accord. Donc, est-ce que le body karaté, on peut le rapprocher du shadow boxing ? Oui, on pourrait, en quelque sorte, on pourrait, puisque le shadow boxing, c'est une pratique personnelle sans opposition, sans partenaire, parce que shadow boxing, c'est combattre contre son ombre, hein, donc c'est vraiment, c'est un exercice, c'est un outil de la préparation physique. Et donc effectivement, on peut trouver des similitudes, puisqu'il n'y a aucun combat, il n'y a aucune opposition en body karaté. Les pratiquants, les pratiquantes, je dirais même, puisque c'est la forte majorité des filles, des femmes qui pratiquent. Et donc, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucun contact, il n'y a aucun combat. Elles travaillent seules, mais ensemble, hein, puisque ce sont des séances collectives. Elles travaillent seules, effectivement, en exécutant, comme en shadow boxing, des coups de pied, des coups de poing dans le vide. Voilà, simplement, dans le vide. Et on y rajoute quelques exercices de préparation physique pour le renforcement musculaire. D'accord. Donc, après cette petite partie, venons-en aux cours de karaté en visio et ou en extérieur. Comment se passent ces cours de karaté en visioconférence ? Alors, on a eu l'idée de les créer, bien évidemment, suite à ce qu'on a connu en mars dernier avec le premier confinement. Bien sûr. Où effectivement, on n'a pas pu, on ne pouvait plus retourner dans la salle au dojo. Donc, la volonté tout de suite que j'ai eue, enfin, qu'on a eue au sein du club, c'est de limiter, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de coupures dans la pratique des gens. Parce qu'on a vu tout de suite, on a vu rapidement qu'effectivement, ne pas retourner au dojo, ça allait perdurer, et que l'idée, c'est de faire en sorte que la coupure soit la moins longue possible, et parce que c'est vrai que dans la progression des gens, ça aurait eu des conséquences. Bien sûr. Donc effectivement, on a eu l'idée de mettre en place des... Alors, ça n'a pas pris la forme visio tout de suite. Dans un premier temps, j'ai pu communiquer avec les adhérents et puis leur permettre de travailler en utilisant la vidéo. Donc je me filmais, je fournissais des vidéos qui étaient un support de travail pour eux. Et puis ensuite, c'est eux qui se filmaient pour que je puisse visualiser leur travail et faire un retour sur des points améliorés. Donc ça a pris cette forme-là. Et puis ensuite, donc ça c'était un travail plutôt individuel avec chaque personne à travers les vidéos. Et ensuite ça a pris une forme plutôt collective où on s'est retrouvé sur des plateformes de visioconférence pour des séances collectives. Donc des exercices qu'on... Alors évidemment, on ne peut pas travailler sur de l'opposition, sur du combat, puisqu'on n'est pas face à quelqu'un. Bien sûr. Mais l'avantage de notre discipline, c'est qu'on peut effectivement travailler seul. Mm-hmm. Qu'on peut travailler seul, qu'on n'a pas forcément besoin d'un grand espace, quelques mètres carrés à la maison, seul, on n'a pas besoin de matériel. Donc on s'est dit qu'on pouvait mettre ça en place. Les gens sont... Pour la plupart, sont connectés, ont un ordinateur ou un smartphone, et puis en visio, on se voit et on travaille face à face. Enfin, je mène un cours comme au dojo avec des adhérents que je vois sur mon écran d'ordinateur. Voilà. Et ça fait depuis le mois de mars, depuis l'été dernier qu'on fait ça. Alors il y a des visios qui prennent la forme de séances plutôt orientées cardio, donc par exemple body karaté dont on vient de parler. Mm-hmm. D'accord. Donc on utilise quand même la musique, puisque même avec la visioconférence, je peux mettre de la musique depuis chez moi, les gens coupent leur micro et donc entendent très bien la musique et me suivent à travers la caméra, ils me suivent, ils exécutent les mouvements et on est parti pendant une heure et ça marche très bien. Et puis il y a des séances qui sont plutôt à dominante technique, ou là plutôt à destination des karatékas, et donc pour que la progression ne s'arrête pas et puis qu'on voit d'autres choses dans d'autres circonstances, que ça permet quand même de progresser différemment. Eh ben, je fais des cours dominante technique. On aborde un sujet et puis chacun le répète et je peux voir les gens travailler chez eux et en répondre à leurs questions. D'accord. Mais justement, ces cours de karaté en visio, est-ce que c'est pas trop compliqué, que ce soit pour les licenciés ou même pour vous, de proposer, de réaliser et de s'adapter à ces cours un peu spéciaux ? Si, bien sûr. Oui, c'est pas évident. D'ailleurs, il est clair que ça ne concerne pas tout le monde dans le club. Hein. On est au club du Tio actuellement à peu près 70 licenciés. Il est évident que je n'ai pas pu avoir mais 70 personnes en visio, hein, sur les différentes séances. Hein. Bien sûr. À chaque fois que je fais une visio, ça concerne une quinzaine de personnes, que ce soit des visios cardio. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont... On va dire que ce sont les plus mordus, les accros, comme on dit, ceux qui veulent pas de la coupure et qui, parce qu'ils ne veulent pas la coupure, sont motivés, donc arrivent assez facilement à s'adapter à ce système et pratiquent quand même et on est content de se retrouver en vidéo pour pratiquer. Maintenant, c'est clair que depuis mars dernier, il y a des pratiquants, donc effectivement, on a un peu perdu de vue parce qu'effectivement, ils ne se connectent pas. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas ? Est-ce qu'ils ne savent pas ? Est-ce que, dans tous les cas, effectivement, il y a des gens qu'on va perdre. Mais ça, c'est le lot de toutes les associations sportives qui n'arrivent plus à se voir dans les lieux qu'ils fréquentaient habituellement. Bien sûr. Donc, dans ces travaux, dans ces cours, en visioconférence, les travaux proposés, c'est les mêmes qu'en présentiel dans le dojo ? Pour partie, oui, bien sûr, parce que pour partie, au dojo, on n'est pas tout le temps face à face à faire des exercices de combat ou des jeux d'opposition. Il y a un travail personnel, un travail où les gens sont alignés face à l'instructeur, hein, un peu comme à l'armée. Vous avez, voilà, puisque ça vient de là, hein, les alignements, mm-hmm. face à l'instructeur. Donc là, au lieu d'être alignés au dojo, ils sont chacun dans leur chez eux, hein, dans leur salon, dans leur garage, dans leur grenier, ça dépend. Et donc, moi, je peux visualiser tout le monde. Je propose des exercices que chacun répète chez lui. Ouais. D'accord. Donc, donc les licenciés, ils ont un travail à faire de leur côté, des sortes de devoirs, entre guillemets. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Les séances s'enchaînent avec une progression. Hein. Je garde la progression, je garde cette idée de progression dans les apprentissages, dans la technique, à minima s'il n'y a pas progression, à minima ce que j'envie, c'est qu'ils maintiennent un acquis technique, qu'ils maintiennent un acquis même physique, en bougeant depuis chez eux. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on s'est dit brièvement que on était des passionnés, donc en tant que passionnés, on n'allait pas forcément la facilité presque de retourner au dojo pour pratiquer dans les conditions idéales. Les conditions sont pas idéales, ok, bon bah tant pis. La question c'est pas quand est-ce qu'on va pouvoir pratiquer, c'est comment on va faire, comment on va continuer à pratiquer. Et donc la visio est arrivée naturellement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on peut assez facilement, enfin beaucoup de gens assez facilement accéder à, avec une connexion à l'ordinateur ou un smartphone, accéder à ce type d'outils, et la mayonnaise a pris. D'accord. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les cours sur l'aspect technique en visio, les combattants tiotins ne sont pas les seuls à assister aux cours. Il y a également les combattants stamésiens. Ouais, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de l'historique un petit peu, effectivement, les gens de Saint-Amé, je les ai informés de ce que je faisais en visio, et puis certains ont manifesté le désir d'y participer. Donc, bien évidemment, aucun problème. Donc, à chaque fois qu'il y a une visio, le lien leur est envoyé, ils se connectent et ils pratiquent avec nous à travers la visioconférence. Ouais. D'accord. Donc, nous allons en revenir un petit peu aux autres disciplines enseignées, comme nous le disions tout à l'heure, dans les cours de défense personnelle ou self-défense, comme on l'appelle plus communément. Oui. Donc, ces cours sont faits en présentiel, oui, avec des mesures sanitaires strictes, évidemment. Donc, alors, actuellement, non. D'accord. Non, actuellement, non, puisqu'il n'y a pas de... il n'y a aucun cours, à l'heure actuelle, en intérieur. D'accord. D'accord. Donc il y a la seule possibilité qu'on a en présentiel. Alors pour les adultes, c'est en extérieur avec distanciation physique et c'est 6 personnes maxi. D'accord. Ça, ce sont les directives de la fédération et donc du ministère des Sports, hein, les directives gouvernementales. 6 personnes maxi. Après, j'anime également des séances en extérieur pour les enfants. Distanciation, et là il n'y a pas de chiffre limite. Il peut y avoir un nombre limité d'enfants. Et donc chaque semaine, j'ai maintenu une séance en extérieur pour les enfants du club. Donc et là, c'est pareil, on n'a pas pu toucher tout le monde. Certains enfants ne sont pas revenus, mais bon, on a une bonne partie des enfants qui viennent fréquemment à cette séance hebdomadaire en extérieur. Ouais. Bien sûr. Donc pour le côté pratique de la self-défense, effectivement, là, c'est un petit peu mis en stand-by, puisque la self-défense, il y a quand même clairement, il y a beaucoup d'exercices d'entraînement avec un partenaire pour d'opposition. Donc ça, pour le moment, c'est interdit avec les mesures sanitaires. Bien sûr. Donc, le self-défense, comme on le disait, c'est se défendre justement d'une agression dans la rue ou quoi que ce soit, mais toujours oui, dans le cadre de la légitime défense, pardon. Donc, oui, est-ce que ces cours, quand vous pouviez encore les faire, avaient pour but d'affronter la peur des gens, de répliquer une agression, mais toujours dans le cadre, bien sûr, de la légitime défense? Oui, c'est-à-dire que l'aspect, on l'a dit tout à l'heure, il y a un aspect physique dans la self-défense, parce que ça peut prendre effectivement une dimension physique. Un combat peut durer de longues secondes, plusieurs minutes, et donc il y a un aspect physique. Il y a le premier aspect physique qui est le fait que peut-être que une des premières réponses à une réelle agression, c'est de fuir, c'est-à-dire de courir. C'est une bonne réponse. Donc c'est un aspect physique qu'il faut travailler. Il y a bien évidemment l'aspect technique, et puis pour aborder la notion de peur, il y a l'aspect mental, effectivement, où effectivement les répétitions au dojo, quand on les fait clairement, il n'y a pas de contraintes particulières. Le partenaire qui n'est pas un réel agresseur, donc ne pourra jamais faire une réelle agression. Ça n'est que de l'entraînement, donc on va travailler sur d'autres avec d'autres outils pour pouvoir effectivement mettre, on va dire, un petit peu le pratiquant en condition de stress qu'il va retrouver lors d'une réelle agression. D'accord. Donc ça passe par le travail physique, par exemple. Le travail physique où quand on fait monter le rythme cardiaque avec un rythme cardiaque très élevé, c'est le rythme cardiaque qu'on va retrouver sous stress. Et quand on a un rythme cardiaque très élevé, eh bien on n'a plus du tout la même agilité, la même coordination que quand on est au repos. Et donc il faut essayer de rechercher ça parce qu'effectivement c'est ce qu'on va retrouver lors d'une réelle agression. D'accord. Donc l'aspect mental est travaillé, peut-être aussi avec une opposition contre différents partenaires. Donc ça met un petit peu en stress le pratiquant. Des oppositions, différents partenaires, et puis en termes de, avec des incertitudes aussi. Je reviens sur l'aspect prévention. Je travaille pas mal avec des pratiquants qui marchent dans le dojo, et puis il y a des incertitudes. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va commettre une agression, mais on ne sait pas lequel. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant, qu'il faut scanner un petit peu son environnement, qu'il faut être observateur et puis pouvoir agir vite. C'est-à-dire c'est le travail de la prévention, voir l'agression arriver si possible. Donc là, c'est quand on fait ça, ça met aussi les gens mentalement dans des conditions. D'accord. Il existe d'autres outils, mais c'est vrai que l'aspect mental est abordé. On ne peut pas se contenter de l'aspect purement technique, parce qu'effectivement, ce qu'on va pouvoir reproduire dans une situation réelle n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire au dojo dans un environnement où on est en sécurité. Bien sûr, oui, donc vraiment une capacité d'adaptation qui doit être là. Tout à fait, oui. Une incertitude. Travailler avec l'incertitude, c'est ce qu'on appelle des habiletés ouvertes, c'est-à-dire travailler avec de l'incertitude et pouvoir s'adapter. Ouais. D'accord. Donc justement, dans ces cours de self-défense, si on prend en compte les statistiques, car malheureusement, statistiquement, ce sont souvent et davantage les femmes qui sont agressées par des hommes. Tout à fait. Oui. Donc est-ce que dans vos cours de self-défense, il y avait davantage de femmes que d'hommes, ou c'est à peu près pareil? Là, sur cette première année, on était avec un effectif équilibré en termes de moitié homme, moitié femme. Ouais, c'était assez équilibré. D'accord. Ouais. Donc, avant de poursuivre... Oui, après, c'est clair, vous avez raison. Statistiquement, ce sont des femmes qui se font agresser par des hommes. Ça, c'est clair. Ouais. Malheureusement. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en capacité de se défendre, hein, puisque bien sûr, les femmes n'ont peut-être pas les mêmes armes physiques que les hommes, puisque d'un point de vue physiologique, évidemment, la masse musculaire des hommes est plus importante, donc plus de masse, plus de muscles, donc forcément un développement de force plus important. Mais les femmes ont d'autres armes. Elles font jeu égal avec les hommes en matière de coordination, d'agilité, de gestuelle, voire même dans la rapidité d'exécution de leurs mouvements avec de l'entraînement, elles font jeu égal avec les hommes. Donc on va peut-être pas jouer sur l'aspect force des femmes, mais plutôt sur un aspect rapidité, vitesse d'exécution. D'accord. Ouais. Donc avant de poursuivre cette émission, je propose que nous nous lancions dans une deuxième fréquence et que nous écoutions une reprise de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood datant donc de 1966, reprise par Clara Luciani et Alex Capranos avec le titre Summer Wine, et on se retrouve juste après. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été. Retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours en direct, il est 14h44. Nous sommes toujours dans Fréquence Libre avec Alexis Frechin, professeur, entre autres, de karaté et formateur à l'AFPA. Ça va toujours ? Ça va, merci. Donc, pour en revenir aux cours de self-défense, ils sont souvent comparés à des cours de secourisme. Sur quels aspects ? Alors, la première comparaison, elle est la suivante. C'est qu'en fait, vous apprenez des mouvements de self-défense, vous apprenez des gestes de premier secours, c'est en fait vous êtes en train d'acquérir des compétences dont peut-être vous n'allez peut-être jamais vous servir, en fait. D'accord ? On a parlé de statistiques tout à l'heure, effectivement, les hommes sont le plus souvent majoritairement les agresseurs, les femmes sont les victimes, tout ça, ok, mais clairement, statistiquement, à l'heure actuelle, dans nos sociétés, voilà, en France, dans nos régions, on n'est pas non plus agressé à tout bout de champ. On vit quand même dans une relative liberté. On circule en liberté. On n'est pas agressé tout le temps. D'accord ? Oui. D'ailleurs, on peut passer toute sa vie sans jamais. Beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais avoir été agressés. D'accord. De la même façon, on peut faire des cours de secourisme. Hein, c'est des cours de secourisme, c'est-à-dire des cours qui sont destinés à des gens qui sont pas du tout des professionnels du secteur médical. Hein, d'accord. Donc du secourisme. Et puis on peut passer toute sa vie sans jamais porter secours à quelqu'un. D'accord. Une de mes activités, par exemple, dans le cadre de professionnel à l'AFPA, c'est d'être formateur en SST, donc secourisme du travail. Statistiquement, on sait que les secouristes du travail interviennent très très peu en entreprise. Ils interviennent très très peu, c'est-à-dire que ils apprennent des choses dont ils vont peut-être jamais se servir. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une pédagogie bien adaptée, parce que comme ils vont jamais s'en servir, ce n'est pas comme dans le secteur médical où ils vont pouvoir expérimenter leurs gestes tous les jours. Un secouriste n'aura jamais l'occasion d'expérimenter son geste tous les jours. La première fois il aura à le faire par rapport à une première formation, c'est peut-être des mois ou des années plus tard. Donc il faut faire en sorte qu'ils puissent s'en rappeler. D'accord. Donc c'est vraiment des gestes simples avec une pédagogie adaptée. En self-défense, ça sera pareil. Des gestes simples, parce que le jour où on va vous agresser, il va falloir vous souvenir. On sait qu'avec le stress, on en a parlé tout à l'heure, les gens vont perdre un petit peu leurs moyens. Tout le bagage technique du dojo, il va plus rester grand-chose dans des conditions réelles dans la rue. Donc il faut que ce soit simple pour que ce soit facilement reproductible, qu'on puisse s'en rappeler facilement et que ce soit facilement reproductible sans avoir à trop réfléchir, parce que là on n'a plus le temps de réfléchir dans une situation réelle au moment où ça arrive. Donc ouais, le parallèle il est là, c'est qu'on acquiert des compétences donc on va peut-être jamais se servir. D'accord. Et qui pourtant le jour J vont s'avérer très utiles et vont peut-être faire la différence, que ce soit en self-défense quand on est agressé ou quand on porte secours à quelqu'un, vont peut-être faire la différence entre la vie et la mort. Ah oui, d'accord. Donc comme nous le disions un peu plus tôt et avant d'ailleurs cette deuxième pause musicale, il n'y a pas vraiment de différence entre un homme et une femme quand il s'agit de self-défense, car comme vous le dites, l'agresseur le plus fort a des points faibles et la victime la plus faible a des ressources. Et c'est précisément cela que ces cours de self-défense veulent apporter. Ouais, travailler sur les ressources des victimes, entre guillemets, donc des pratiquants de self-défense, des gens qui viennent chercher des compétences pour pouvoir se défendre hein, en cas d'agression. Effectivement, on va travailler sur leurs ressources, puisqu'il n'y a pas de méthode unique que tout le monde va pouvoir adapter. La méthode, elle va être en fonction des aptitudes physiques innées des personnes, de ce qu'elles vont pouvoir développer en termes de capacité. Donc il faut prendre en compte la personne et voir en fonction de ses aptitudes, des capacités qu'elle peut développer, quel outil elle va pouvoir utiliser dans une situation réelle. On ne peut pas proposer un outil universel que tout le monde, quand je dis un outil, une technique universelle que tout le monde va pouvoir utiliser. Ça n'existe pas. Il va falloir faire en sorte que les pratiquants se constitue, on va dire, pour prendre l'image avec le bricolage, se constitue une caisse à outils personnels, d'accord, qui leur correspond, et le jour où ils se font agresser, il va falloir utiliser le bon outil. D'accord. Oui, et puis ça, utiliser le bon outil, ça viendra avec l'expérience instinctivement. Avec la pratique, oui, bien sûr. Il faut de la pratique, il faut pour pouvoir devenir efficace le cas échéant, il faut pratiquer, il faut être assidu, il faut pratiquer, il faut être régulier. Oui. Il suffit pas de venir de temps en temps à un cours pour penser pouvoir s'en sortir dehors. Non, ça ne sera pas suffisant. Il faut de la pratique pour acquérir, pour voir toutes les situations qu'on peut voir en salle, avec les incertitudes, avec l'opposition, avec du danger. Il faut mettre du danger. Exemple, un agresseur qui porte une arme, un agresseur qui porte un bâton, qui porte un tesson de bouteille. Il faut qu'il y ait du danger, il faut qu'il y ait de l'incertitude, et il faut un opposant qui veut réellement vous agresser pour générer et puis faire ça dans des conditions où physiquement le pratiquant est en haute intensité au niveau de son rythme cardiaque pour le mettre dans une situation de stress. D'accord. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, il est 14h50. Donc, avant de conclure, je propose que nous nous lancions dans une troisième et dernière fréquence et que nous écoutions Renaud avec son titre Mistral Gagnant. Est-ce que ça vous va comme plan ? Très bien. Ok. Très bon choix. Donc, nous écoutons Renaud et du coup, comme d'habitude, nous nous retrouvons juste après. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons mecs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Regardez le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnant. Nous sommes de retour sur Radio Gemozo. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h53. Nous sommes toujours en compagnie de Alexis Frechin, professeur de karaté et formateur à l'AFPA. Donc, comme je le disais, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Donc, pour conclure, si nous voulons nous essayer au karaté ou au cours de self-défense, comment pouvons-nous vous contacter ? Alors, on peut me contacter par téléphone ou par mail. Le club a une page Facebook hein, où on peut retrouver les différentes activités et les contacts. Aucun problème. Après, en termes de pour des gens qui désireraient essayer la pratique, bon, ben, à l'heure actuelle, c'est pas bien évidemment, c'est pas possible. Bien sûr. On espère un retour dans nos salles, dans les dojos, le plus rapidement possible. Voilà. Mais autrement, en termes de contact, il n'y a aucun, pas de souci hein, par rapport à ça, téléphone ou adresse mail qu'on peut voir sur la page Facebook du club Kyokushin Karaté Le Kyo. D'accord, je mettrai le lien en podcast de cette émission pour que les auditeurs et auditrices puissent retrouver facilement votre page Facebook et donc vous contacter. Merci. Donc rapidement, s'il y a quelque chose que nous n'avons pas abordé et qui mériterait de l'être, qu'est-ce que ça serait ? À moins que nous ayons tout abordé. Ben écoutez, on a parlé de tout qu'on n'a pas abordé. Je sais pas, peut-être on a parlé du body, on a parlé de. Il y a les enfants peut-être qu'on peut aborder. C'est que on a au sein du club des sections enfants, donc des sections pour les plus petits, c'est-à-dire qui concernent les âges de l'école élémentaire, de CP à CM2. D'accord. L'idée pour moi c'est de ce que le qu'ils aient que les gamins puissent pratiquer une activité physique, d'accord. Une activité physique, et puis bien évidemment l'activité physique elle est pratiquée à travers les bases du karaté, les techniques de base du karaté, les coups de poing, les coups de pied de base du karaté que les gamines aiment pratiquer, alors soit avec des exercices de position, voire même en frappant dans du matériel. Les gamins aiment bien, ils se défoulent, c'est très bien. Et puis on a également des adolescents, enfin des plus âgés, une section de jeunes, qui pratiquent également les bases du karaté, et on commence à les orienter, pour ceux qui le souhaitent, vers la compétition aussi. D'accord. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Alexis Frechin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, à nouveau en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Et toujours, vous êtes habitués, lundi matin à 8h et lundi après-midi à 13h30, pour une nouvelle chronique de L'Acre Histoire des Auteurs, dans laquelle nous commencerons notre voyage dans la vie de Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes et de James Watson. Nous vous laissons en musique et avec la suite de vos programmes. Merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à très bientôt. Salut.